Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le culte. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Benjamin Habitant. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons une histoire qui pourrait être vraie. Une histoire écrite à partir de différents faits réels. Un moment dans l'histoire d'une secte, d'un groupe de gens qui, par la fascination qu'exerce sur eux un leader, un gourou, vont professer une autre conception du monde à partir de données inventées, rêvées et souvent imposées. Prononcer ou écrire le mot « secte » suscite immédiatement un sentiment de rejet, pointe une menace. S'associent alors les mots de manipulation, d'embrigadement, de dangerosité, de rupture, d'aveuglement. Puis, après les mots, les analyses et les explications, nous glissons vite dans le fait divers, le drame de l'ordre du Temple solaire, le meurtre de Sharon Tate, le temple du peuple des disciples du Christ du révérend Jim Jones à Jonestown, Guyana, ou encore la secte Aum et son attentat dans le métro de Tokyo. Et puis, ces dernières années, de nouveaux groupes politiques et religieux sont apparus, comme Boko Haram au Nigeria ou les Shebab, affiliés à Al-Qaïda au Kenya. Et bien sûr, Daesh, secte, terroriste, fanatique, religieux. Quels mots peuvent qualifier les sectes dans l'histoire et aujourd'hui? Et puis, ces mots ne doivent-ils pas être à nouveau et plus précisément définis? Car chaque société produit ses sectes et elles sont souvent une réponse à ses peurs, le résultat de ses excès et le reflet de ses faiblesses. Pour aller plus loin et comprendre mieux la définition possible des mouvements sectaires, nous recevrons en seconde partie d'émission Nathalie Lucas, anthropologue et directrice du Centre d'études en sciences sociales du religieux. France Inter. Affaires sensibles. La fiction. La secte. De Vincent Hazard. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Philippe Thillot. Non, c'est sa fille. Qui êtes-vous? Tiens, ce vieux pervers aime ici. Traînez. Ton père est un raté, un pervers. Et toi, t'es une traînée. Mais ça va pas? Raccroche! Mais qu'est-ce qui se passe? Qui c'est? C'est les fous furieux du Santorium. Ils appellent tout le temps, même la nuit. Mais ils sont tarés, il faut porter plainte. Je l'ai fait. Mais les gendarmes ne font rien. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Pourquoi ils t'agressent comme ça? Si tu venais plus souvent, tu saurais ce qui se passe ici. Leur gourou a décidé qu'il fallait construire un temple énorme en plein milieu de la vallée. Ils pourront pas construire dans un parc naturel? Normalement non, mais c'est bientôt les élections. Quoi? La droite leur donne un permis de construire? Oh, la gauche aussi est sur le coup. Ils ont une cinquantaine d'adeptes qui votent à Montclar et tout le monde sait que les municipales vont se jouer à quelques voix. Alors le maire leur a filé le permis de construire et pour la gauche, c'est Bigarot, le conseiller général, qui leur vend le béton de la construction. Mais c'est dingue! Tout ça pour 50 voix? Ouais. Et au village, à part commenter devant leur pastis, on peut pas dire que ça bouge beaucoup. Alors moi, j'ai monté une association et on a pris un avocat. Toi, tu es président d'une association. T'es pas passé écolo quand même. Bah, je pouvais pas laisser faire ça. Ils vont massacrer la vallée avec leur temple. 2500 mètres carrés, 6 étages, t'imagines? Oui, j'imagine très bien. Ça serait comme une grosse verrue au milieu de cette belle vallée sauvage. La vallée où j'ai grandi. La vallée où tu es revenu quand maman t'a quitté il y a 5 ans. Même si on ne se voit plus si souvent, je te comprends. Cette vallée, c'est ton refuge. C'est normal que tu veuilles défendre ce qui te reste de bonheur. On vient d'apprendre que la secte du Santorium se voit retirer le permis de construire du temple qui devait s'ériger à flanc de montagne, en pleine vallée de Montclar. C'est une victoire pour Philippe Liot, le président de l'association de défense du parc naturel. Francis Goder, alias Maître Manite, et ses adeptes ne comptent cependant pas en rester là puisqu'ils ont manifesté dès cet après-midi devant les grilles du tribunal administratif de Marseille. Ils font savoir qu'ils vont faire appel de cette décision. Tu dois être soulagé. Tu parles. Ils font appel. Et ils ont mis 3 avocats sur le coup. Mais d'où ils sortent tout cet argent? Le week-end, tu verrais le nombre de voitures qui montent au monastère. Ça marche bien leur affaire. Ils ont les soutiens partout. Le boulanger du village, le bijoutier, des politiques, et même des chercheurs et un ancien inspecteur des impôts. C'est incroyable. On les a laissés faire pendant des années, et maintenant ils se croient tout permis. Ils avaient déjà construit plein de bâtiments sans autorisation. Là, je suis sûr qu'ils vont faire pareil. La nuit, je vois passer des camions qui amènent des matériaux de construction. Ils vont construire sans permis. Tu surveilles la route la nuit ? J'ai pas le choix. S'ils nous mettent devant le fait accompli, ce sera très compliqué de tout détruire. Et puis la vallée sera défigurée. Le problème, c'est que leur monastère, c'est une vraie forteresse. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Et sans preuve, on peut rien faire. J'ai jamais vu mon père dans cet état. Il ne dort plus avec cette histoire. Lui, qui est d'habitude si calme, je sens bien qu'il est à 2 doigts de craquer. Le Santorium recrute ses adeptes dans des cours de yoga. Il y en a un à Marseille, à côté de chez moi. Ils ne savent pas qui je suis, alors autant en profiter. Bravo, bravo à tous et toi. Dis-moi si je me trompe, Julie, mais on dirait que les séances te font du bien. Oui, merci. Jean-Luc, mais si tu veux, tu peux m'appeler par mon nom religieux, c'est Bajra. D'accord, Bajra. Oui, j'ai l'impression que ça me fait du bien. J'en ai besoin parce que dans ma vie en ce moment, vous savez, ma vie c'est un peu le bordel. Je vois plus ma mère. Mon père, il sort pas de chez lui, il veut voir personne. J'ai un boulot de merde. Je travaille dans un resto avec un patron qui m'exploite. Alors venir ici, c'est un peu... C'est comme une bouffée d'oxygène. Et c'est pour ça qu'on est là, pour t'aider. Mais tu sais, je suis pas surpris que tu te sentes déjà mieux. Dans la classe, j'ai vite vu que tu étais très réceptive. Ah bon ? Moi ? Oui, tu as un gros potentiel. Ah, merci. Ça me fait plaisir qu'on me fasse un compliment pour une fois. Et d'ailleurs, si tu veux approfondir, je peux te recommander des lectures. Oh oui, ça serait génial. Il y a 17 niveaux d'ouverture des chakras, des centres énergétiques de ton corps. 17 niveaux, ça fait beaucoup, le chemin est long. Mais je sens que toi, avec un peu de volonté, tu peux y arriver. Qu'est-ce que je ferais pas pour mon papa chéri ? Dépenser 70 euros pour un bouquin qui recycle des lieux communs sur la méditation. C'est signé Maître Manit, le gourou de la secte. Ou plutôt le maître spirituel, comme il l'appelle officiellement. Je me suis fait violence pour le lire jusqu'au bout en une semaine et je l'ai fait savoir à mon prof, Jean-Luc. Pardon, Bajra. Après ça, je me sens prête à ouvrir mes chakras. Prête pour ma première visite au monastère du Santorium. Dans sa Clio, Bajra me parle des enseignements de Maître Manit et des sacrifices qu'il fait tous les jours pour sauver l'humanité. Je l'écoute pas vraiment. On passe juste à côté de chez mon père et ça me fait bizarre de ne pas m'arrêter pour le voir. Alors, ça te plaît ? Oui, c'est impressionnant. C'est plus grand que ce que j'imaginais. Il y a 100 personnes qui vivent ici à l'année. Et plusieurs centaines de fidèles qui viennent les week-ends. La communauté grossit de jour en jour. Mais il ne devait pas y avoir un temple pour accueillir tout ce monde ? Pas encore, mais on y travaille. Nos ennemis font tout pour ralentir sa construction. Des ennemis ? On a des ennemis ? Oui. Mais qui pourrait nous vouloir du mal ? C'est pas des ennemis au sens habituel. Tu sais, l'homme est tout petit à l'échelle de l'univers. Il y a des forces maléfiques qui veulent notre destruction. Pas seulement du Santorium, mais de la Terre entière. Mais c'est effrayant ce que tu racontes. T'as encore beaucoup de choses à apprendre. Mais rassure-toi, Maître Manit veille sur nous. Il nous guide, et en même temps, il a besoin de nous pour combattre ses ennemis. Crois-moi, ce qu'on fait ici est très important pour l'avenir de la planète. Crois-moi. Ça y est, le mot est lâché. Après m'avoir assuré que j'allais m'accomplir au sein de la communauté, voilà qu'on me demande de croire. Mais croire à quoi ? J'en sais rien, en fait. Je sais même pas qui sont ses ennemis. Om. Respectez le rythme de l'univers. L'univers est une pulsation qui ne peut nous désunir. Om. Je sens la vibration. Je ne peux m'en séparer. Je sens la pulsation. Je sens la vibration. Je ne peux m'en séparer. Je sens la pulsation. Oh. Le réveil à 4h du mat, c'est dur. Et puis cette voix toute la journée. On passe notre temps à prier. On mange quasiment rien à part du pain rassis et quelques légumes. Autour de moi, les gens ont le regard dans le vide. Ceux qui vivent là à l'année sont complètement perchés. Moi-même, au bout du deuxième jour, j'ai la tête qui tourne. Je sens la vibration. Je sens la pulsation. Je sens la vibration. Je sens la vibration. Je sens la vibration. Je sens la pulsation. Je sens la vibration. Je sens la vibration. Alors, ça t'a plu ? Oui, oui, oui, c'est une expérience très intense. On se revoit le week-end prochain ? Oui, avec plaisir. Quand tu es chez toi, c'est important que tu tiennes cette discipline. Se lever tôt, prier avant d'aller au travail et prier quand tu rentres. Je le ferai. Et si tu veux, il y a d'autres trucs pour t'aider à passer des niveaux d'ouverture des chakras. Ah bon ? Quel truc ? Le savon purificateur, c'est important et c'est facile pour commencer. Maître Manit charge des savons en ondes positives. Si tu te laves avec, tu élimines les ondes négatives. 115 euros ? Non, c'est trop cher pour moi. Tu peux peut-être économiser pour la prochaine fois. Maître Manit. L'argent ne doit pas être un problème. Prends le savon. Merci beaucoup, maître. Essaye-le. Tu comprendras que c'est de l'argent bien dépensé. J'en suis sûre, maître. Tu es nouvelle ici ? Oui, maître. Bien, bien. Tu viens le week-end prochain ? Tu lui en as parlé ? Non, mais j'allais le faire. Il y aura une cérémonie très importante. Il faut que tout le monde soit là. Je vais faire une déclaration au monde entier. Maître Manit, alias Francis Goddard, nous l'a annoncé aujourd'hui, il est le nouveau Messie. Enfin, c'est lui qui le dit. Œcuménique en diable, Francis Goddard se veut rassembleur de toutes les religions, rien de moins. En tout cas, ses disciples y croient dur comme fer. Nous sommes régulièrement attaqués par des comètes envoyées par nos ennemis. La dernière dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la comète de Halley, que j'ai détournée de sa trajectoire. Grâce à la puissance de mes ondes positives. Et encore, je ne parle même pas des centaines d'autres que j'ai interceptées et dont personne n'a jamais parlé. Maître Manit est donc le multiple sauveur de l'humanité. Il intercepte depuis des années toutes sortes de météorites lancées vers la Terre par les Kryoniens, les habitants de la planète Kryon. La planète Kryon ? Non mais franchement. Francis Goddard s'est ridiculisé tout seul devant des millions de téléspectateurs. Toutes les chaînes en ont parlé, mais en se moquant de lui. Il s'attendait à quoi ? Que les journalistes prennent au sérieux son délire interplanétaire ? Ce qui fait peur, c'est qu'il donne l'impression de croire vraiment à ses délires. Ça fait rire les gens. Mais depuis l'interview, le centre est devenu un vrai camp retranché. La parano est totale. Le gourou a fait construire des miradors et des adeptes sont chargés de surveiller. Maintenant, c'est impossible de s'approcher du site du futur temple sans se faire repérer. Ils sont combien sur le chantier ? 25. On n'aura jamais assez de pain et de soupe pour tout le monde. Oh, ils partageront. En plus, le pain est rassis. Ce sont les ordres du maître. C'est pas bon de trop manger. Enfin bon, je suis un peu comme toi. J'aime trop manger. Tu sais, ça n'a pas que des mauvais côtés, la cuisine. On se prendra quelques légumes frais du maître. J'en prends toujours un peu plus au marché. Le maître ne mange pas la même chose ? J'ai pas trop le droit de le dire, mais non. On prépare des plats à part. Sans blague. Oui, mais en même temps, c'est normal. C'est lui qui a le plus besoin d'énergie pour son combat. Et toi, tu en as déjà vu des Kryoniens ? Non. Mais je crois qu'ils peuvent pas venir sur Terre. C'est pour ça qu'ils envoient des météorites pour nous attaquer. Tu n'habites pas ici, toi ? Non. Non, je viens que le week-end. Je travaille à Marseille. À Marseille ? J'y suis allée il y a pas longtemps. J'ai fait du shopping avec ma grande sœur. Je sais, mais c'est pas très sérieux. Oh, c'est pas grave. T'as bien raison, c'est sympa des fois. Ouais, je sais pas. J'aime bien essayer des nouveaux vêtements, mais je ramène jamais rien au monastère. Je laisse tout chez ma sœur. Et toi, tu habites ici ? Oui. Mais tu as quel âge ? 16 ans. Et tes parents savent que tu es là ? Non. Enfin, je sais pas. Je crois qu'ils s'en foutent. Ah. Vous êtes pile à l'heure. Bonjour, Bajra. Bonjour, Maya. Bonjour. Bonjour, Julie. Posez ça là, les gars viendront chercher. On aurait pu vous les amener. Non, non, c'est pas la peine. Dommage, j'aurais bien aimé voir les travaux. Oh, tu sais, il y a vraiment rien à voir. Taisez-vous! Il se passe quelque chose de grave. Quelqu'un a essayé de me tuer. Si vous travaillez dans la cuisine, c'est parce que j'ai confiance en vous. Mais je me suis trompé. En tout cas, je me suis trompé sur l'une d'entre vous. Il y a une espionne ici. Qui a préparé mon repas de midi ? J'ai senti tout de suite les ondes négatives et je ne l'ai pas touché. Mais c'est pas passé loin. Alors faut me le dire. Qui a préparé ce plat de riz ? C'est elle. C'est Maya. C'est toi ? Bah réponds. Oui, maître, mais je comprends pas, je... Tu oses te présenter devant moi après ce que tu as fait ? Je sais pas, maître, j'ai rien fait. Enfin, je me suis pas rendu compte. Emmenez-la ! Ne la laissez pas s'enfuir. Ce soir, je prendrai une décision sur son sort. Tu es possédé. On va se débarrasser de toi. Les cryoniens ont pris possession de ton cerveau. Tu es irrécupérable. Mais j'ai rien fait de mal. Je vous jure, je comprends pas. J'ai rien fait. Donc, vendredi après-midi ? Oui, 16h, le temps de finir mon service. Et sinon, tu sais ce qui va se passer pour Maya ? Qui ça ? Maya, la jeune qui travaille en cuisine. Ah, celle-là ? Ouais, oublie-la, c'est une paumée. J'ai cru comprendre qu'elle était accusée de vouloir empoisonner le maître, mais c'est sûrement une erreur. Non, elle est possédée. Le maître ne se trompe jamais. On la reverra pas. Le maître va régler le problème. T'es inconsciente. S'ils apprennent que t'es ma fille, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils sont tarés. On sait pas comment ils peuvent réagir. Je sais, papa, mais il faut juste que j'y retourne une fois ou deux pour avoir des preuves. On va trouver une solution. On va louer un ULM pour prendre des photos aériennes. Mais non. Non, il y a des choses de plus en plus folles qui se passent là-bas. Comme quoi ? Il y a des mineurs, des pauvres filles qui se font accuser de plein de trucs. Ouais, ça, c'est le rôle des parents. Non, ce sont des pauvres filles, elles ont personne. Tu sais s'il y a des disparitions de personnes liées à la secte ? Quoi ? Non, enfin. Tu pourrais te renseigner ? Oui, je veux voir. Je t'en supplie, sois prudente. C'est promis. Je t'aime, papa. Salut, Julie. Ah, salut, Maya. Je suis bien contente de te voir. Moi aussi. Je suis désolée de te laisser toute seule, mais je suis interdite de cuisine. Bon, t'inquiète, je gère. Je vais porter le repas au chantier. Et t'es en avance ? Ah oui ? Ah, peut-être, j'ai pas ma montre. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ? J'ai eu de la chance, je suis purifiée. Le maître m'a fait faire plusieurs séances de padapoudia. De quoi ? Du padapoudia, c'est quand on lui lave les pieds. Il fait faire des trucs comme ça ? Oui, c'est normal quand on doit se purifier. Et après on a travaillé sur mon mooladhara. Attends, mais vous avez fait quoi exactement ? On a travaillé sur mon premier chakra. On a fait des exercices. Il ne t'a pas... Il n'a rien fait de gênant pour toi ? J'étais possédée par les cryoniens. Il fallait pas s'attendre à ce que le traitement soit agréable. Non, mais non, Maya. Tu n'es pas possédée. La preuve en discute, tu me reconnais, t'es pas possédée. Si, Si je vais mieux, c'est parce que le maître a réussi à chasser les cryoniens de mon esprit. Écoute, Maya, ce que je vais te dire, c'est pour t'aider. T'es pas obligée de faire tout ce que le maître te demande. Bien sûr que si. Non. Maître Manit est un homme comme un autre. C'est peut-être notre guide, mais c'est pas Dieu. Mais tu racontes n'importe quoi. Pourquoi tu m'embrouilles? Laisse-moi tranquille, t'es possédée toi aussi ou quoi? Mais non, je veux pas t'embrouiller, je veux juste t'aider. Bon, c'est pas grave. Oublie ce que j'ai dit. En fait, le Mooladhara, le premier chakra dans la pratique du yoga, c'est la partie du corps située entre le sexe et l'anus. C'est sur ce point que le maître l'a fait travailler. Mayalen a 16 ans. Elle est complètement envoûtée par ce vieux pervers. C'est horrible. Et c'est sûrement pas la seule à qui c'est arrivé. Il faut absolument arrêter tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Bajra. Je voulais voir le site. Je voulais voir comment les travaux avançaient. Je t'ai dit que c'était pas une bonne idée. Les téléphones portables sont interdits. Tu sais aussi qu'il est interdit de prendre des photos. À quoi tu joues? Donne-moi ton téléphone. Je me demandais pourquoi tu parlais toujours du chantier. Maintenant, je comprends mieux. T'as effacé les photos, maintenant, c'est bon, laisse-moi partir. Ça dépend pas de moi. Allez, tu sais que je suis pas une méchante. C'est le maître qui va décider. Tu es notre premier prisonnier cryonien. Je sais pas ce qu'il va vouloir faire de toi. Les cryoniens veulent la guerre totale. En quelques jours, ils ont essayé de me tuer. Et maintenant, ils envoient un espion. Ils guettent les plus faibles d'entre nous. Ils guettent nos moments de faiblesse pour prendre le contrôle. Il faut être vigilant. La pauvre Maya en a été victime, mais j'ai réussi à la ramener parmi nous. Mais là, la créature que j'ai devant moi, c'est différent. Je dis créature, parce que ce n'est pas un être humain. On la connaissait sous le nom de Julie. Oui, oui, c'est moi. C'est toujours moi. Je suis Julie Lyon. Mais non, tu n'es pas humaine. Si tu étais une repentie, tu accepterais de voir ce que tu as fait. Mais si. Mais si. Roger Scuto, je suis Julie Lyon, la fille de Philippe Lyon. Je voulais juste prendre des photos pour faire arrêter la construction du temple. Je n'ai rien à voir avec les cryoniens. Ah, c'est ça alors. Tu es le péché humain incarné. Tu as choisi de faire ce que tu as fait. Ils t'ont payé? Oui, oui, ils m'ont payé. Je ne suis pas une cryonienne. J'ai fait ça pour l'argent. Les cryoniens sont dangereux, tu sais. Tu fais un pacte avec le diable. Mais on a pitié de toi. Alors même si tu ne veux pas être sauvé, on va prier pour toi et ton salut. Ça a duré pendant des heures, toute la nuit. Puis ce matin, ils m'ont laissé partir. T'as eu de la chance. T'as bien fait de dire que t'étais ma fille. Je remenais pas large. Mais je pense pas qu'il m'aurait tué devant tout le monde. Non, pas devant tout le monde. Il est pas si fou, en fait. Oh non, vu comment il gère ses affaires. Il est même malin. Ce sont ses adeptes qui sont devenus fous. Tu attends quelqu'un? Non. Bonsoir. Je suis bien chez Julie. C'est pourquoi? Salut Maya, ça me fait plaisir de te voir, qu'est-ce qui t'amène? Je voulais savoir si éventuellement je pouvais passer la nuit ici. Mais bien sûr! Assieds-toi. Je veux plus retourner au monastère. Qu'est-ce qui s'est passé? Le maître m'a encore accusé de l'avoir empoisonné. Et puis il m'a encore... Il m'a... Si je suis possédée... T'inquiète pas. Tu n'es pas possédée. C'est mieux que je quitte le monastère. Je suis un danger, c'est mieux pour eux. C'est mieux pour toi aussi. Tu peux rester ici. Je veux plus être purifiée. T'inquiète pas. Tu n'auras plus à subir ça. On va s'occuper de toi. Te changer les idées. On ira faire du shopping à Marseille. Et on ira parler à ta sœur. C'était Affaire Sensible, La Secte, de Vincent Hazard, avec Charlotte Desserre, Julie, Andrea Elazan, Maya, Jean-Claude Bonifay, Philippe, Christophe Boudet, Maître Manite, Raphaël Magnabosco, Bajra, et les voix de Stéphanie Schwarzbrot, Camille Cobi, Lisa Sens, Luc Davin, Basile Bernard de Botte, Nathalie Lacroix et Martin Amic. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Clémence Bûcher. Réalisation, Benjamin Habitant. Thank you. and break apart. I'll break apart. I'll break apart. Right now it's going to start. I'll break apart. Right now it's going to start. I'll break apart. Un geste, Martin David qui avait participé à la commission parlementaire, à quoi vous êtes-vous attaché? Et finalement, vous démontrez qu'il est très difficile de définir une secte. Au fond, il y a autant de sectes différentes, mais c'est très difficile de définir un concept global de secte, non? C'est vrai que nous avons eu des difficultés à donner une définition très juridique des choses, et c'est souvent le problème que l'on rencontre. Par contre, nous avons établi un certain nombre de critères qui sont repris de manière plus ou moins proche, d'ailleurs, par des gens qui sont attachés à ce problème depuis très longtemps, et ces critères font apparaître systématiquement les problèmes de déstabilisation mentale que l'on vient d'évoquer, les problèmes d'exigences financières exorbitantes. C'est pas étonnant, d'ailleurs, que certains procès actuels portent essentiellement sur des problèmes d'escroquerie financière. Et puis, il y a des problèmes aussi d'infiltration, car les recrutements des sectes, contrairement à ce que nous imaginions peut-être au début de nos travaux, se font surtout dans des catégories socio-professionnelles relativement élevées, des personnes qui ont des moyens intellectuels et financiers, ce qui nous ramène évidemment à l'aspect financier des choses. Et donc ces personnes-là peuvent être infiltrées un petit peu partout dans la société, à des postes de responsabilité publique ou privée. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le culte. Notre invitée, Nathalie Lucas, anthropologue, directrice du Centre d'études en sciences sociales du religieux. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bonjour Nathalie Lucas. Bonjour. Vous avez été membre du conseil scientifique de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, plus connue sous son acronyme Miviludes, de mars 2003 à novembre 2005. Et d'ailleurs, vous avez démissionné. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas très bien ce qu'on y faisait. Il y avait beaucoup de confusion, pas d'études sérieuses. Et que par conséquent, je n'ai pas voulu que mon nom soit attaché à une mission qui, pour moi, n'essayait pas de traiter correctement du sujet pour lequel elle était missionnée. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes directrice du Centre d'études en sciences sociales du religieux. Vous dites que la Miviludes n'a pas pris les bonnes mesures pour lutter efficacement contre les dérives sectaires. C'est quoi alors les bonnes mesures? Les bonnes mesures, je ne sais pas lesquelles elles sont, mais déjà, essayer de comprendre le phénomène était une mission en soi. Or là, on nous a donné d'abord un mot, une secte. La première mission s'appelait la mission interministérielle de lutte contre les sectes, ce qui est anticonstitutionnel. En France, nous ne savons pas ce qu'est une secte parce que nous ne savons pas ce qu'est une religion. Donc on est arrivé à faire changer ce terme. Il s'est appelé la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Mais néanmoins, on ne savait toujours pas ce qu'était une dérive sectaire. Oui. On peut comprendre ce qu'est une dérive sexuelle, on peut comprendre ce qu'est une dérive financière, on peut comprendre ce qu'est une dérive économique, on peut comprendre des tas de choses. Mais finalement, en mettant le mot sectaire derrière, je ne pense pas qu'on explique quoi que ce soit. On fait peur, on utilise un terme qui inquiète, mais finalement, on ne met pas derrière une définition qui permette réellement aux gens de se protéger de quelque chose qui serait éventuellement dangereux pour eux. Est-ce que vous seriez, par exemple, capable de donner une définition de ce qu'est une secte, alors? Au fond, oui. Je serais capable de donner cette définition, mais il faut s'en méfier parce qu'elle n'existe quasiment pas, fort heureusement. Mais lorsque nous regardons les vraies dérives qui se sont avérées extrêmement dangereuses, qui ont conduit à la mort, au suicide, ou au contraire à des actes de terrorisme, on s'aperçoit qu'il y a une fermeture de ces groupes. Ce sont d'abord des petits groupes qui se ferment sur tous les niveaux. Qu'est-ce que j'appelle tous les niveaux ? Le premier niveau sur lequel normalement on s'ouvre, c'est justement le niveau économique. Pour qu'une société, un groupe progresse, il faut qu'il puisse échanger avec des gens extérieurs. Lorsque le groupe se referme complètement sur lui-même et qu'il dit que l'argent est mauvais et qu'il cultive ses pommes de terre et ses radis et qu'il n'échange plus du tout avec les autres, il fait que les individus qui sont à l'intérieur de ce groupe ont très peu de possibilités ensuite d'en sortir puisqu'ils sont sortis du système économique. L'autre niveau, Donc premier niveau, niveau autarcique, l'autarcie. Hein, trois niveaux sont autarciques en fait. Les trois niveaux sont des niveaux de fermeture, mais le premier donc le niveau économique. D'accord. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la parenté. C'est-à-dire que lorsqu'un groupe est jeune et qu'il vous interdit de vous marier avec des gens qui sont extérieurs au groupe, vu qu'il est jeune, il y a peu de monde, ça vous laisse très peu de possibilités. Ça crée souvent des dérives sexuelles parce que finalement, il n'y a qu'une seule possibilité. Souvent, c'est le chef du groupe. Donc, un groupe qui se porte bien, forcément, va être obligé d'aller chercher quand même au dehors du groupe, des partenaires, pour pouvoir avancer sereinement. Alors évidemment, cela ne vaut pas pour les mouvements qui sont déjà extrêmement répandus et on ne peut pas dire que sous prétexte que vous êtes catholique et que vous épousez un autre catholique ou juif et que vous épousez un autre juif, ça y est, vous êtes autarcique. Mais simplement, imaginez dans un petit groupe, ça pose plus de problèmes. C'est un seul niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau du langage. Et celui-ci, à mon avis, est le pire. Dans le sens où, lorsque vous avez un groupe qui réinvente le langage, qui, imaginons, vous avez un groupe soucoupiste, il croit aux extraterrestres. En soi, c'est pas dangereux de croire aux extraterrestres. Il a un lieu, comme celui-ci, où en fait, on lui dit que c'est une soucoupe volante. D'accord. Et finalement, jusque-là, bah, évidemment, c'est symbolique, c'est métaphorique. Sauf qu'il y a un moment où les gens ont tellement pris l'habitude de rentrer dans ce lieu en parlant comme une soucoupe volante qu'ils ne vont plus prendre réellement conscience que le langage qu'ils utilisent pour parler du lieu n'est pas le lieu. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ici, c'est une soucoupe volante. Et le jour où on leur dira, s'ils ont complètement intégré ça, c'est-à-dire s'ils n'ont plus conscience de la métaphore de leurs paroles, le jour où on leur dira de mettre le feu sous la soucoupe volante pour s'envoler, étant donné qu'ils auront totalement intériorisé le fait que c'est une soucoupe volante, ça deviendra possible, envisageable. Évidemment, c'est très rare. Vous n'avez quasiment aucun groupe, fort heureusement, qui se ferme sur ces trois niveaux. C'est pourquoi l'utilisation du vocable secte, étant réduit à un nombre de groupes quasi inexistant, pour moi, n'a aucun intérêt pour expliquer ce dont on parle en général. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'adéquation entre la loi, ce qu'elle définit, et la réalité ? Alors, je ne dirais pas les choses exactement comme ça, parce que justement, la justice, en tous les cas, ne se trompe pas tellement. Ouais. Et il y a toujours eu, entre justement les actions qui se voulaient politiques de la MILS, la Mission Interministérielle de Lutte contre les Sectes, puis de la MIVILUDE, un décalage avec ce qui a été finalement jugé par la justice, qui elle a pris quand même un certain recul. Et du coup, bien souvent, les affaires qui ont été portées par la justice ont conduit à des non-lieux. Pas toutes, puisque réellement il y a des dérives, mais ces dérives n'étaient pas dites sectaires, parce que pour la justice non plus, ça ne veut rien dire, mais c'était des dérives sexuelles, des dérives économiques, des dérives... Bref, elles étaient explicitées dans un tel langage que nous n'avions absolument pas besoin d'en venir aux sectes pour comprendre de quoi la personne était condamnée ou le groupe était condamné. Bien, alors il existe un danger sectaire. Non, il n'existe pas un danger sectaire. Il existe des dérives. Des dérives. De différents types. Ça veut dire quoi? Attendez, pardon, j'essaie de comprendre. Ça veut dire qu'en soi, le concept même de secte, pour tout, c'est un concept de liberté. On peut se retrouver autour d'une idée, d'un groupe. C'est à partir du moment où il y a exploitation de la faiblesse des gens, de leur situation, et qu'il y a des dérives sexuelles ou financières, qu'on est dans le danger sectaire. Alors écoutez, les dérives sexuelles ou financières, vous reconnaîtrez que je ne sais pas s'il faut les limiter à un groupe qu'on appellerait religieux ou sectaire. Justement, moi, mon problème, c'est que je ne sais pas ce qu'est une secte. Je vais vous donner un exemple. À la base, je suis une spécialiste de la Corée du Sud. Et c'est même par la Corée du Sud que j'ai découvert des mouvements qui m'ont fait peur parce qu'il y avait des dérives sexuelles dedans. Et j'ai alerté tout le monde en disant « Oh, il y a des dérives sexuelles dans ce mouvement, c'est une secte, moi je venais de France. » On m'avait habituée à ça. Ouais. Et en Corée, on m'a dit « Attendez, ce sont des adultes, c'est quoi votre problème ?» Bon, et il n'appréhendait pas du tout ce groupe comme une secte, sous prétexte que de jeunes adultes avaient des relations sexuelles avec leur messie. Autre exemple, les témoins de Jéhovah. En Corée, les témoins de Jéhovah étaient considérés comme une secte par l'État. Mmh. Mais pas du tout pour les mêmes raisons que nous. Ils étaient considérés comme une secte en Corée du Sud, ce qui a beaucoup évolué. Hein. Les choses évoluent tout le temps, c'est pourquoi il est encore plus difficile de s'y repérer, parce qu'ils ne faisaient pas leur service militaire. Dans un pays où il y a la Corée du Nord, et la Corée du Nord est une menace, mais enfin, vous le savez, mais vous voyez les actualités, c'est très fort. Chez nous, c'est à cause de la transfusion sanguine, mais les Coréens s'en fichent du problème de transfusion sanguine des témoins de Jéhovah, c'est leur problème. Ouais. Donc, comment dire ? D'accord, en Corée du Sud, les témoins de Jéhovah sont une secte parce qu'ils font pas leur service militaire, rien à faire de la transfusion sanguine. En France, les témoins de Jéhovah sont une secte parce qu'ils font, ils n'acceptent pas la transfusion sanguine, mais la question du service militaire ne se pose pas. Je dis quoi ? Je donne quelle définition, mais j'en suis incapable. Et c'est comme ça pour tous les pays, c'est-à-dire que non seulement ce sont en général pas les mêmes groupes qui sont traités de sectes, mais quand bien même ce sont les mêmes groupes, ce ne sont pas pour les mêmes raisons. Parce que ce qui inquiète, a priori légitimement, un pays, pour des raisons qui lui sont culturelles, qui sont de l'ordre de ses valeurs, ne sont pas les mêmes que ce qui inquiète un autre pays qui a d'autres valeurs. C'est pourquoi utiliser un terme qui est une telle polyphonie est totalement aberrant. Par contre, se limiter à dire « je vais vraiment essayer de voir s'il y a des dérives et me contenter de cela », ben évidemment, là, on est dans le sujet, mais la secte ne me sert à rien. C'est pas que ça n'existe pas, les dérives. C'est que la secte ne me sert à rien pour les appréhender. D'accord, Nathalie Lucas, j'ai bien retenu cette leçon-là, après tout. Hein, elle est intéressante également. On va se retrouver dans 3 minutes. On va parler des dérives liées à des groupes qui, comme ça, ça évitera de dire des sectes. D'accord? À tout de suite. Pas vu des feuilles venir, pas vu des feuilles tomber. Qu'es-tu venu me dire? Pourquoi es-tu passé? Non, je ne savais pas. Non, je n'ai pas appris. Et comment c'est déjà de ne pas être ici? Fais-moi revenir au monde, le toucher sans mettre de gants, même pour sentir qu'il s'effondre, même s'il n'y croit plus comme avant. Fais-moi retrouver mon ombre, perdu dans l'ombre qui me tient, le souvenir du lendemain. Non, je ne sortirai pas. Pourquoi es-tu venu? Comment te souvenais-tu que j'étais encore là? Les rues, les avenues se passent très bien de moi. J'ai vécu trop de choses que je ne saisis pas. Fais-moi revenir au monde, le toucher sans mettre de gants, même pour sentir qu'il s'effondre, même s'il n'y croit plus comme avant. Fais-moi retrouver mon ombre, perdu dans l'ombre qui me tient, le souvenir du lendemain. Pas vu les feuilles venir, pas vu les feuilles tomber. Comment veux-tu aimer quand on ne sait plus dire si c'est l'hiver, l'été, si c'est mieux, si c'est pire? Tu n'insisteras pas, j'entends les marches craquer, elles devancent les pas de qui va s'en aller. N'y a-t-il donc pas en moi quelqu'un sous les soupirs, quelqu'un qui aimerait bien voir les feuilles venir? Sans mettre de gants, même pour sentir qu'il s'effondre, même s'il n'y croit plus comme avant. Fais-moi retrouver mon ombre, perdu dans l'ombre qui me tient, le souvenir du lendemain, de flèches lancées dessous les combles. Fais-moi revenir au monde, Nathalie Lucas, alors, les dérives. Alors, de nouveaux mouvements religieux prospèrent, paraît d'une aura médicale ou savante, bio, psycho, généalogie, scientologie, clonage, raélien. On a l'impression que la science, par certains de ces groupes, est réinterprétée pour fournir un alibi rationnel aux pratiques les plus folles. Est-ce que c'est un système classique qui arrive à ces dérives-là? C'est un des systèmes qu'on peut mettre en exemple? En tous les cas, oui. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la science est devenue le biais, mais quasiment pour tout groupe, de justifier son existence. C'est-à-dire que même dans le christianisme, vous avez la tentative de certains groupes de démontrer que, l'homme a bien été créé il y a 4000 ans. Ouais. Mais on va vous le dire scientifiquement. On va vous dire, mais il y a eu des démonstrations, regardez, c'est tout à fait vrai. Mais par contre, les arguments qui sont contre ces démonstrations-là, on les met de côté. C'est ce que j'appelle, c'est ce qui est appelé la rationalité circonscrite. C'est-à-dire, je dis que je fais de la science en utilisant les éléments qui me semblent aller dans le sens de ma démonstration, et alors j'enlève, je mets de côté tous les autres. En soi, ça, pour moi, c'est une dérive du raisonnement. C'est-à-dire, c'est un affadissement total du raisonnement, et c'est la manière par laquelle, finalement, on crée de l'idéologie. Autant vous dire que l'idéologie n'est pas le propre de la secte, mais en tous les cas, c'est un vrai problème. Des gens, par exemple, considèrent toujours que la Terre est plate et que le fait de vouloir imposer qu'elle soit ronde relève du complot. Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein, Et pourtant, elle tourne. Et vous voyez, et ils vont vous donner des arguments. Simplement, ils vont enlever ce qui les embête. Je vous dis, on fait bien de la rationalité, parce qu'aujourd'hui, tout doit partir de la science. La science, c'est quand même quelque chose qui transcende tous les univers, toutes les cultures. Si c'est pas scientifique, c'est faux. La science, d'ailleurs, en réalité, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse, elle se transforme tout le temps, elle aussi. Mais peu importe, pour qu'un raisonnement soit valide, y compris dans le religieux, au fond, il faut qu'il y ait une validité scientifique. Donc on va vous trouver des arguments. Et on va vous le démontrer comme ça, on va pas vous dire, il faut croire. On va vous dire, je sais que c'est vrai parce que... Donc, ça s'appelle du lavage de cerveau? Mais non, ça s'appelle pas du lavage du cerveau nécessairement. Ah bah dites-moi. Mais ça s'appelle pas du lavage du cerveau parce que le lavage de cerveau voudrait dire que l'individu devient totalement passif. Mm-hmm. En réalité, cette démonstration, s'il l'accepte, c'est qu'il en a envie. Je crois qu'il faut, à moins que ce soit un enfant, parce que si vous dites ça à un enfant, effectivement, vous lui faites du lavage de cerveau. Alors, on en arrive, pardon de vous couper, mais on en arrive à une autre question fondamentale. Comment expliquer que des gens qui ont un développement intellectuel même plutôt intéressant, poussé, on a dit, hein, c'est pas, il y a toutes les catégories sociales qui peuvent se laisser avoir. Comment, quand on a des références, on peut se laisser avoir avec des arguments comme ça? Mais vous savez, beaucoup de scientifiques ont des croyances, beaucoup de scientifiques, parce que plus vous repoussez les limites et plus vous avez besoin d'avoir un minimum de cadre, plus vous vous apercevez en supplément que rien n'est fixe, qu'on est sur des sables mouvants, c'est terrifiant. Un scientifique, c'est quelqu'un qui repousse toujours les limites, donc quelque part, il sait jamais où s'asseoir, il sait jamais où mettre sa tente. Bah, tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, mais c'est un peu terrifiant. Ouais. Et du coup, vous avez beaucoup de scientifiques qui finissent aussi par avoir des croyances qui finalement les protègent un peu. Mais cela va au-delà. Les scientifiques, finalement, parfois aussi, ont l'impression qu'ils n'ont pas encore démontré ça. Ils sont allés tellement loin, ils sont tellement près de cette démonstration que c'est comme si c'était vrai. Et du coup, ils vont inventer des preuves. Ça existe. Par exemple, vous avez des personne très connue que je n'oserais même pas, dont je n'oserais même pas donner le nom, mais que l'on voit dans tous les manuels scolaires, qui ont pu participer à mettre des photos de fantômes. Où ça, photos de fantômes? Des photos de fantômes, donc ils ont pris des photos, puis ils ont dit, regardez, là, il y a un fantôme. Évidemment, c'était truqué. Ouais. Mais c'était dans des milieux scientifiques que c'était truqué. C'était truqué de bonne foi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils étaient convaincus que, avec le savoir qu'ils avaient accumulé, ils n'en étaient pas encore à faire cette démonstration, mais elle était quasiment là. C'est là qu'il y a des dérives. Vous dites dans la préface de votre livre, dont nous avons tiré quelques phrases pour présenter le sujet d'aujourd'hui, que les sectes seraient une réponse aux excès et aux faiblesses de nos sociétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, justement, aujourd'hui nous sommes par exemple dans des sociétés où l'argent est très valorisé, où il faut en avoir de plus en plus. Donc finalement, soit vous allez avoir des sectes qui vont... les sectes n'est pas mon mot, soit vous allez avoir des groupes, qui vont vous encourager, qui vont vous dire « Ah non, mais si vous allez dans cette direction, vous allez super bien réussir. » Et donc, ils vont aller dans nos propres excès. Soit vous allez avoir des groupes qui vont dire oh, « Mais regardez comme vous êtes malheureux avec cet argent. Regardez comme ça vous pourrit la vie. » Et qui, du coup, vont amener l'individu à l'opposé. Ouais. Et du coup, peu importe le milieu social, chacun peut être réceptif à ce discours parce que nos sociétés ont effectivement des faiblesses, des excès. Et qu'il est humain d'essayer de les parer, d'essayer de s'en protéger ou d'essayer de réussir dans cette société. Du coup, oui, on trouve parfois des solutions qui sont faussement miraculeuses, auxquelles on adhère, mais fort heureusement, les individus bougent beaucoup. Et il est quand même très rare qu'ils y adhèrent très longtemps quand ça ne fonctionne pas. Oh, certains ont du mal à quitter les groupes quand même, certains sont pris en otage avec de l'argent, enfin des menaces. C'est exact. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ce genre de problème-là, c'est pourquoi il faut y veiller. Mais ce qui est tout de même rassurant, c'est que bien souvent ça bouge. Ça bouge beaucoup et ça on l'oublie. On ne peut pas rester dans un croire puissant très longtemps. C'est comme si vous vous imaginiez qu'on pouvait être amoureux du début de votre vie jusqu'à la fin de votre vie exactement de la même manière. Vous croyez en ça? Non, mais ça monte, ça descend. Et bien la croyance c'est pareil. Les moments, le début c'est très fort, c'est tellement fort qu'on veut convaincre tout le monde tellement on est convaincu. Et puis il y a des moments où on croit moins, et puis on va trouver autre chose, et puis on va tromper sa propre croyance. Mmh. Et les choses marchent comme ça. Ça veut dire aussi qu'on impose la croyance en lieu et place de la pensée. Je pense, j'analyse, donc je suis libre. Je crois, donc j'adhère au package, quoi. Mais oui, mais seulement qui dit ça? Regardez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Ils ont une rationalité. Il n'y a pas de croyance sans rationalité. Aussi farfelue puisse-t-elle paraître, ouais, il y a quand même une rationalité qui les sous-tend. Du coup, ils n'ont pas du tout l'impression de dire qu'ils croient. Ils pensent qu'ils pensent. Voilà. Je vais vous donner un exemple chez les pentecôtistes. Les pentecôtistes, ce sont des gens qui parlent en langue, c'est-à-dire qu'ils pensent et ils croient. Ils croient que l'esprit parle dans leur corps. Et du coup, ces gens-là, qui soudainement se mettent à parler une langue que personne ne comprend, vont dire « Seigneur, je sais que tu existes parce que j'ai testé ta croyance. » Ils disent pas « je crois ». J'ai testé, c'est-à-dire j'ai testé ta croyance puisqu'ils se sont mis à parler, ils l'ont ressenti dans leur corps et ils se sont mis à parler une langue qu'ils ne connaissaient pas. Hmm. Bon, alors je vais vous poser, non mais tout cela est très éclairant, un petit peu étonnant, mais très éclairant, c'est le principal. Nathalie Lucas, la radicalisation de l'islam, est-ce que nous sommes là? Alors, je vais pas dire secte évidemment, encore moins d'ailleurs pour cette affaire-là, mais groupe, alors là, dérive, dangerosité, c'est la nouvelle dangerosité, elle est là par exemple. Est-ce que la radicalisation de l'islam et les gens qui vont y adhérer ou qu'on va, par prosélytisme, on va les mettre dans la chose, est-ce que ça c'est la dérive la plus grave qui soit aujourd'hui à partir d'une religion, hein, je rappelle, à partir d'une religion politisée? Évidemment, il est bien clair que quand vous partez et que vous revenez armé et que vous faites du terrorisme, on est dans une dérive très grave. Maintenant, dire que c'est la radicalisation, c'est dire que tous ceux qui vont avoir une croyance un peu radicale vont forcément passer à l'acte. C'est-à-dire, c'est les figer dans une incapacité de prise de recul, ce qui peut être vrai, la preuve. Je ne nie absolument pas ça. Au contraire, je dis que pour lutter efficacement contre ce problème-là, il faut quand même avoir conscience que c'est pas parce que vous êtes radicalisé que vous êtes nécessairement dangereux. Il faut encore quelque chose d'autre. Quoi ? Vous avez des radicalisés qui finalement restent quand même sagement dans un groupe plus ou moins fermés, mais qui n'iront pas au djihad. Faire le djihad, oui. Parce que si tous les radicalisés partaient faire le djihad, ça serait encore pire que ce que nous vivons aujourd'hui, qui est déjà une situation dramatique. Alors voilà, simplement, je pense que c'est inaudible pour beaucoup, parce que, évidemment, ce qu'on voit, ce sont les actes terroristes. Et moi aussi, je les vois. Et très honnêtement, ça me terrifie. Donc, la question que je me pose, c'est comment l'éviter? Mais je ne pense pas qu'on l'évitera en mettant tout le monde dans un même sac, et en secouant le tout, et en disant tout ça, c'est dangereux. Mais justement, essayer de voir pourquoi ce radicalisé-là, il part, pourquoi celui-là, il ne part pas. Et du coup, ça demande du travail, ça demande beaucoup d'expérience, ça demande du temps. Et du temps, nous n'en avons pas, donc nous voulons aller vite. Et comme nous voulons aller vite, nous préférons avoir une catégorie dans laquelle mettre tout le monde dans le sac et secouer et dire tout cela est dangereux. Et je comprends en même temps cela. Merci Nathalie Lucas. Et il y a un jeu, vous savez, une sorte de jeu quand on s'amuse quand on est gamin. Faut pas prononcer un mot. Hein, un mot, faut pas prononcer. C'était un petit peu ça, l'interview avec vous. En tout cas, c'était une approche nouvelle et intéressante. Merci. Mais merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le culte, une fiction écrite par Vincent Hazard, réalisée par Benjamin Habitant, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Étienne Bertin, à la technique aujourd'hui Stéphane Beaujard.